Armel Campagna de Live Nation France. Main Square Festival Arras est complet pour la première fois en 11 ans. Félicitations. Merci. On est très heureux, complet en avance. 120 000 festivaliers qui sont en train d'arriver là. Fiers, contents, une très belle organisation. On prolonge avec la ville d'Arras et la communauté urbaine d'Arras notre convention jusqu'à 2020. Donc vraiment heureux, on est dans un site unique, classé UNESCO, où tout le monde trouve qu'il y a un charme absolument énorme. Les artistes sont contents de venir jouer ici, les festivaliers sont heureux. Mais en plus, il fait beau cette année. Enfin, il y a rien de plus qu'on peut espérer, quoi. Le confort est assez important pour vous, hein ? Je pense que le Festival d'Arras, c'est un festival premium. Il y a beaucoup de festivals en France, il y a déjà beaucoup de diversité culturelle, donc il fallait qu'on ait aussi une marque de fabrique. Et très vite, ça a été avoir des gros noms, mais aussi des très grosses scènes pour accueillir les prods, exactement un peu comme fait Werchter. C'est-à-dire que Werchter, ils accueillent les groupes en leur version stade, et nous, on est un seul festival français à le faire. C'est-à-dire que si le groupe veut jouer 2 heures, ils jouent 2 heures, ils amènent toutes leurs prods. Ils sont dans des loges qui sont dans des bâtiments qui ont plus de 350 ans, qui sont classés UNESCO. Et pour le public, voilà, on voit que tout est joli, on essaie de faire le moins de métal possible, on essaie de d'épurer un peu les choses. C'est beaucoup de monde dans un petit site, c'est un petit écrin, et on veut le protéger. Est-ce que vous pouvez encore grandir comme festival en ce qui concerne la capacité spectateurs ? Alors on est en train de faire des études là, cette année pour ouvrir d'autres zones et d'autres sorties de secours. C'est encore TBC, mais j'ai bon espoir. Après, voilà, à mon avis, 45 000, ce sera le plus gros qu'on pourra faire sur ce site. Après, ce n'est pas un regret. Les plannings des artistes de tournée chaque année sont de plus en plus difficiles. C'est très dur de savoir si on aura assez de line-up pour faire un sold-out tous les ans. Et le côté taille humaine est aussi super agréable. C'est-à-dire que moi, j'ai vu plein de festivals à 80 000. C'est bien, c'est impressionnant. Mais là, j'ai l'impression de connaître tout le monde. J'ai l'impression de... Je ne marche pas 10 ans entre les deux scènes. Et je trouve ça aussi très agréable. Et c'est vraiment ce que les festivaliers recherchent. Et ils adorent ça aussi. Augmenter la capacité, c'est parfois nécessaire pour avoir assez d'argent pour les headliners qui demandent de plus en plus d'argent chaque année. Donc. Les headliners, c'est compliqué. Après, la France a toujours une politique de prix de billets très faible. Donc les headliners savent que s'ils veulent jouer en France, ils auront potentiellement moins que ce qu'ils auront en Hollande, en UK, en Belgium. Donc après, effectivement, avoir plus de place, c'est donc plus d'argent pour acheter des groupes. Mais après, on contribue aussi à la surenchère du headliner qui demande toujours plus, toujours plus. L'idée, c'est de sécuriser une jauge qui est confortable pour tout le monde. Si les groupes veulent jouer, tant mieux. S'ils veulent pas, il y en a d'autres qui voudront jouer à leur place. Vu le retentissement médiatique qu'est en train d'avoir le Main Square depuis 3-4 ans par rapport aux autres festivals qui sont un petit peu plus âgés en France, les groupes nous demandent de venir jouer. Donc on a plutôt l'embarras du choix. Autre question sur Isle of Techno. C'était dans la presse. Isle of Techno ne sera pas organisé à Gand, mais maintenant à Montpellier. Donc est-ce qu'il y avait une certaine réunion avec Live Nation Belgique qui ont dit Live Nation France, vas-y, vous pouvez l'organiser ? En fait, ça fait 4 ans que je faisais la version française à Montpellier. Et là, on s'est concerté et on s'est dit que je crois qu'in fine, ça valait mieux Joint Forces et se retrouver ensemble Live Nation Belgique et Live Nation France avec mes collègues Roule, Glynis, Peter qui font Live Techno Belgique depuis longtemps et le faire ensemble, mieux, il y en avoir qu'un et on pense que ça sera encore plus fort, c'est-à-dire qu'on va aller vers 35 000 complets et l'idée c'est vraiment de proposer au public le meilleur des deux événements dans le sud de la France. Rendez-vous le 19 décembre à Montpellier au Parc Expo. Vous comprenez aussi qu'il y a un certain émotion parce que Isle of Techno quitte Gand maintenant. Je comprends. Après, je pense aussi qu'il y a une situation concurrentielle qui est de plus en plus élevée en Belgique, avec Tomorrowland, avec d'autres festivals, et que je pense que l'hiver en France, à côté décembre en France, était un peu plus libre que le nombre d'événements en Belgique. Il y a vraiment une surenchère en Belgique d'événements sur la musique électronique. Et peut-être qu'in fine, c'est mieux de le faire comme ça que d'essayer de continuer et peut-être d'avoir des résultats un peu plus décevants. Donc dans l'absolu, c'est un événement qui est légendaire, c'est une marque qui est légendaire, qui a été précurseur. L'idée, c'est de... On s'est posé la question, l'idée, c'est de vraiment perdurer cette marque dans les meilleurs moyens possibles. Et les meilleurs moyens possibles, c'est de créer Isle of Techno Europe le 19 décembre à Montpellier. Peut-être la techno vit plus en France qu'en Belgique ? Très très fort renouveau sur la techno en France depuis 2-3 ans. On l'a vu avec d'autres festivals comme le Weather à Paris, comme le Peacock à Paris, où clairement on voit un retour de la musique électronique et de la techno, mais vraiment techno, minimal, deep, très élevé. Donc effectivement, je pense qu'il y a quelque chose à faire en France. Ouais. Merci beaucoup, Armel, pour cette interview. Merci bien.